Voici maintenant pour toi notre nouvelle reprise. Au clair de la lune, toi mon ami Pierrot, vas-y prête-moi ta plume. Ta plume pour écrire un mot. Tu vois, pour gagner de la thune. On est prêt.